si vous voulez en faire une dernière. Un nouveau son. I'm ready to sing. Whisper, yes, I like this song. George Michael. Measure one. Enfin, c'est peut-être pas obligé, je crois. Je suis pas sûr, ça marche quand même, je crois. I feel so uncertain. Ok. 1, 2, 3. I feel so uncertain. Thank you. And the next song. Bravo, messieurs. Je suppose que c'est des messieurs. Oui. D'accord là. Alors, faut 16 de plus. Passer, je crois. essaye ou non? Thank you. Thank you. Bon ben, sympa. Good jam. Thank you. Je vais voir les Jeux Olympiques. Il est bon ce pianiste, mais on ne sait pas comment il s'appelle. What's your name? Je t'embauche.